الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. Après les cinq versets cités par l'auteur, l'auteur rahimahullah ta'ala nous cite un athar d'Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Ibn Mas'ud ou Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Mas'ud Ibn Ghafil al-Hudhali من السابقين الأولين رضي الله عنه من كبار علماء الصحابة. ابن مسعود سنم عبد الله سكنيا أبو عبد الرحمن. Il fait partie des grands savants chez les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم et fait partie des premiers à s'être converti à l'islam. Il est décédé en l'an 32 après l'Égypte. Il nous dit « Man arada wa fi riwayatin awalafdu tirmidhi man sarrahu » Donc Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit « Celui qui veut voir le testament de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il y a son sceau, qu'il lise alors la parole d'Allah le Très-Haut, dit: venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien. Et soyez bienfaisants envers vos pères et mères, jusqu'à sa parole, et voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers, jusqu'à la fin du verset. C'est-à-dire le verset 151, 152 et 153 de Suratul An'am, les bestiaux. Al-Zahir, anna al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, akhadha hadha al-athar min tafsir ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. وهذا الآثار أخرجه الترمذي والطبراني في معجم الأوسط بسند حسن وضعفه بعض أهل العلم ظنا منهم أن في سنده داود هو ابن يزيد وهو ضعيف لكن داود المذكور في هذا السند هو داود بن عبد الله ثقة. Donc ce athar d'Ibn Mas'ud a été cité dans le recueil de l'imam al-Tirmidhi, l'imam al-Tabarani et d'autres. Et c'est un athar qui est accepté chez les savants du hadith, qui a été jugé comme étant bon. Al-Wasiyya هي الأمر المؤكد ومحمد هنا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه من باب الإخبار لا من باب النداء ففعل ابن مسعود رضي الله عنه لا يخالف قول الله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Ici Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, celui qui veut voir le testament de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité le prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de contradiction entre l'action ou la parole d'Ibn Mas'ud ici et la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans laquelle il nous dit, n'appelez pas le messager comme vous vous appelez les uns les autres. Donc Allah Azza wa Jalla nous ordonne d'avoir le meilleur comportement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dit aux compagnons de ne pas l'appeler comme ils s'appellent les uns les autres. Mais ici Ibn Mas'ud n'appelle pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement par son prénom, mais il parle de lui. C'est donc une information qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de mal à cela. تقول الخاتم ولكن تقول الخاتم بكسر التاء وهي حلقة ذات فصة أو فص تقول ختمت على الكتاب إذا طبعته التي عليها خاتمه أي من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلَمْ تُنْسَخْ. Lorsqu'Ibn Mas'ud radiallahu anhu ici nous dit, celui qui veut voir le testament de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il y a son sceau, c'est-à-dire parmi ses dernières recommandations qui n'ont pas été abrogées, qu'il lise alors la parole d'Allah le Très-Haut jusqu'à la fin du Athar. Al-Ma'na al-Ijmali, لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بشيء وختم على هذه الوصية لأوصى الناس بما في كتاب الله تبارك وتعالى وبما فيها هذه الآيات العشرة. Donc, le sens de la parole d'Ibn Mas'ud n'est pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé un testament. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé de testament, comme c'est connu. Donc quel est le sens de la parole d'Ibn Mas'ud? Le sens de la parole d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, comme l'ont expliqué les savants, est de dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissé des recommandations et avait laissé un testament pour sa communauté qu'il aurait signé et sur lequel il y aurait eu son sceau, alors cette recommandation aurait été ce qu'il y a dans le Coran. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas ajouté à ce qu'on trouve dans le Coran. Et parmi ce qu'on trouve dans le Coran, et parmi les meilleures recommandations du Coran, c'est 10 recommandations, qu'on surnomme le verset des 10 recommandations. وقول ابن مسعود رضي الله عنه هذا كان جوابا على ابن عباس رضي الله عنه حيث قال إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته فذكره عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بأن عندهم من القرآن ما يكفيهم وأن لو أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لأوصى بما في القرآن الكريم. Cette parole d'Ibn Mas'ud est en réalité une réponse qu'il a faite à Ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه a dit: le grand mal est dans le fait qu'il y a eu un obstacle entre nous et le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas laissé de testament. Alors Ibn Mas'ud lui a rappelé que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait des recommandations, il n'aurait pas ajouté à ce qu'il y a dans le Coran. Il nous aurait plutôt orienté vers ce qu'il y a dans le Coran. Munasabatul hadith ou l'athar il kitab. Donc pourquoi est-ce que l'auteur a cité cette parole d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu dans son livre Kitab al-Tawhid? L'anna fi hadhi l'ayat ay min surat l'an'am هذه الوصايا العظيمة وأعظمها وأولاها النهي عن الشرك الذي يقتضي الأمر بالتوحيد. Donc l'auteur a cité ce athar car dans ces versets auxquels fait référence Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il y a de grandes recommandations. Et la première recommandation est l'interdiction du shirk qui nous appelle à unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces versets, il y a la grande place du tawhid. Ma yustafadu min al-athar. Que pouvons-nous tirer de la parole d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu? Fi hadha al-athar ahammiyatu hadhihi al-wasaya. De ce texte, on tire l'importance de ces 10 recommandations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait dans le Coran. Wa fihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusi بما أوصى الله سبحانه وتعالى في القرآن. De ce texte on tire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande à sa communauté ce qu'Allah a recommandé dans le Coran. Donc toute recommandation d'Allah dans le Coran, c'est aussi une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. فكل وصية لله عز وجل في كتاب الكريم وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وفيه عمق علم الصحابة رضي الله عنهم ودقة فهمهم لكتاب الله. De ce texte, on voit la grande science et la profondeur de la science des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم et leur grande maîtrise du Coran. Particulièrement Abdullah ibn Mas'ud, qui est un des plus grands savants du Coran, au point de dire, si je savais, ou si j'avais eu connaissance d'une personne qui a une science sur le Coran que j'ignore, et qu'on puisse l'atteindre sur le dos d'une bête, j'aurais voyagé vers lui. Abdullah ibn Mas'ud est un des plus grands savants du Coran et des causes de révélation du Coran. Radiallahu anhu. Et vous connaissez tous la valeur d'Ibn Abbas dans le tafsir. وَفِيهِ أَهَمِّيَةُ التَّوْحِيدِ. Et dans cette recommandation, il y a l'importance du tawhid. وَأَنَّ دَعْوَةَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَدَتْ بِالتَّوْحِيدِ وَانْتَهَى بِالتَّوْحِيدِ. بدأت بالتحذير من الشرك ويدعو إلى التوحيد واختتمت بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. De cela on tire que le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par la mise en garde contre le polythéisme et l'appel au tawhid, et qu'il a fini également par cela, et qu'il a fini son prêche également par cela. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه Le dernier hadith, ou la dernière parole de ce chapitre. Selon Mu'adh ibn Jabal, huwa Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aws al-Ansari al-Khazraji, kana mutabahhiran fil fiqh wal ilm, shahida badran wa ma ba'daha. استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في على أهل مكة يوم الفتح ليعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن داعيا إلى الله وقاضيا، مات بالشام. معاذ بن جبل في partie des أنصار parmi les Khazraj. Et c'est un des grands savants chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les plus savants dans le fiqh, la jurisprudence, la science du halal du haram. Il assista à la bataille de Badr et aux batailles qui ont suivi celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié les gens de la Mecque lors de son ouverture, afin qu'il enseigne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala aux musulmans. Plus tard, il l'a envoyé au Yémen afin d'appeler les gens à l'islam. Il est mort dans la région du Cham, vers la Syrie aux alentours, ce qui sera au jour d'aujourd'hui cette région. En l'an 18 après l'Hégire, et il n'était pas âgé. Il avait, lorsqu'il est décédé, 38 ans. Et c'était un grand savant. Radiallahu anhu. Il nous dit, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Radif bima'ana radif, ka sami' bima'ana sami'. Ala himar. Jaa fi sahih, fi sahih al-Bukhari, anna isma hadha al-himar 'Ufayr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en groupe avec Mu'adh derrière lui sur un âne. Dans Sahih al-Bukhari, on a une information qui est le nom de cet âne, qui s'appelait Ufayr. Il s'appelait Ufayr. Et c'est un cadeau du gouverneur de l'Égypte à l'époque. Min azim, hadiyatun min azim Misr. Donc Mu'adh nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs envers Allah? J'ai répondu, Allah et son messager sont plus savants. Dans le livre, vous avez son prophète, vous corrigez. Dans le livre, vous avez écrit, vous, prophète, vous corrigez, il faut écrire messager. Allah et son messager sont plus savants. Il a dit, le droit d'Allah envers ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs envers Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. J'ai dit, ô messager d'Allah. Donc là encore, vous corrigez le mot prophète par messager. Ô messager d'Allah, ne dois-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il a dit, ne leur annonce pas. Ne leur annonce pas, sinon ils vont se reposer sur ça. Akhraja. Donc Mu'adh nous dit qu'il était sur un âne derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a questionné en lui disant, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs? Ma haqqullahi ala al-ibad. Ay, ma katabahu ala nafsihi. Ou, afwan, ma yastahiquhu ala ibadihi. Wa ja'alahu wajiban alayhim. Ma haqqullahi ala al-ibad. Ay, ma yastahiquhu. Wa ja'alahu wajiban ala al-ibad. Donc, quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs, c'est-à-dire quelle est la chose qui leur a rendu obligatoire par-dessus tout, et le droit le plus immense qu'il a sur ses serviteurs. وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ. Et quel est le droit des serviteurs sur Allah? أَيْ مَا كَتَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ تَفَضُّلًا مِنْهُ وَإِحْسَانًا. Et quel est le droit des serviteurs sur Allah, c'est-à-dire que c'est rendu Allah Azza wa Jal obligatoire à lui-même par bonté et bienfaisance pour ses serviteurs. Et non pas que les serviteurs peuvent rendre quelque chose obligatoire à Allah Azza wa Jal. فَالْعَبْدُ أَحْقَرْ مِنْ ذَلِكُ وَاللَّهُ أَعَزْ وَأَجَلْ مِنْ هَذَا. Le serviteur est certes trop faible et insignifiant pour pouvoir rendre obligatoire une chose à Allah Rabbul Alamin. Et Allah est bien trop immense pour cela et puissant, tabaraka wa ta'ala. Donc ceci est une chose qu'Allah s'est prescrit à lui-même. Il a décidé que celui qui ne lui associe rien, il ne le châtiera pas, comme on verra par la suite. Donc Mu'adh a répondu, il nous dit, j'ai répondu, Allah et son messager sont plus savants. Ay, a'alam min ghayrihima wa minni. Allah et son messager sont plus savants, c'est-à-dire plus savants que les autres, et plus savants que moi. Il a dit, le droit d'Allah envers ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. قال حق الله على العباد أن يعبدوه أي وحده ولا يشركوا به شيئا أي لا شرك الأكبر ولا الأصغر. هذا مأخوذ من الفعل ولا يشركوا به شيئا وشيئا نستفيد من هذا تحريم الشرك وعموم المشرك به أي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا بنبي مرسل ولا بملك مقرب. Donc qu'on adore Allah, c'est-à-dire d'un culte sincère, seul sans associé, et qu'on ne lui donne aucun associé, c'est-à-dire que ce soit dans le shirk akbar ou dans le shirk asrar, et que ce soit avec un ange, un prophète envoyé, un ange rapproché, ou autre que cela. L'interdiction totale du polythéisme sous toutes ses formes, et que ce soit le polythéisme majeur ou que ce soit le polythéisme mineur. لِأَنَّ شَيْئًا نَكِرًا. فالله سبحانه وتعالى يستحق منا أن نفرده بالعبادة، لأنه أولا هو المنعم وحده لا شريك له، وثانيا استحق ذلك لكماله في أسمائه وصفاته. ومن كان متصفا بالكمال المطلق فهو المستحق أن يعبد. الله سبحانه وتعالى mérite de nous qu'on l'adore seul d'un culte sincère, car c'est lui qui nous a comblés de l'ensemble des bienfaits, premièrement, et deuxièmement, car il a la perfection absolue dans tous ses noms et tous ses attributs. Et celui qui est parfait dans l'ensemble de ses noms et dans l'ensemble de ses attributs est le seul qui mérite qu'on se dirige vers lui par le culte. Subhanahu wa ta'ala. Et le droit des serviteurs envers Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. Donc ça, c'est un droit qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé de par sa bonté et sa générosité. Puis Mu'adh dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, ne dois-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Al-Bishara, Al-Ikhbar bima yasur. Al-Bishara, c'est de transmettre une information dont la personne se réjouira. Hada huwa al-asl. Al-Ikhbar bima yasur. Wa qad ta'ti al-Bishara muqayyada. ويراد بها غير ذلك مثال ذلك قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم Donc al-bishara à la base c'est une information de laquelle se réjouit, ou par laquelle se réjouira celle qui l'entendra, celui qui l'entendra. Mais parfois, on peut utiliser le mot bishara, ou bien le bushara, dans un autre sens. Mais cela sera spécifié dans le texte. Par exemple, dans le Coran, dans Surat al-Inshiqaq, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Annonce-leur donc un châtiment douloureux, alors qu'on a utilisé al-bushara. Mais ici, on parle de châtiment. J'ai dit au prophète, au messager d'Allah, ne dois-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il a dit, ne leur annonce pas. Sinon, ils vont se reposer sur ça. La tubashirhum fayattakilu ay ya'tamidu ala dhalika wa yatruku at-tanafus fil a'mal as-salih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh de ne pas transmettre cette bonne nouvelle aux gens, de peur qu'il se repose sur cette bonne nouvelle, qu'il se repose sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et sa bonté, et qu'il délaisse la course à la bonne action, la demande, la recherche des bonnes actions, des actions surrogatoires, et à obtenir les plus hauts degrés du paradis. Tout cela en comptant sur la grande bonté, la grande générosité, la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي أراد هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين وجوب وأهمية التوحيد وفضله، فألقى ذلك بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في نفس معاذ وأبلغ، فاستأذن معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد على ذلك فيقلل من الأعمال الصالحة. Donc le temps général de ce hadith est que le prophète صلى الله عليه وسلم ici a voulu enseigner à Mu'adh et sa communauté après lui. Le caractère obligatoire du tawhid, son immensité et son importance, ainsi que ses mérites. Mais plutôt que de transmettre directement cette information à Mu'adh, radiallahu anhu, il lui a transmis cette science sous forme de questions-réponses, afin que cela le touche plus encore et que ça l'affecte plus et qu'il soit bien concentré lorsqu'il recevra cette grande information concernant At-Tawhid, qui est la chose la plus importante. Munasabatul hadith lil kitab huwa anna at-tawhid haqqullah 'ala al-'ibad. Idhan huwa wajib. وفيه أيضا بيان التوحيد وتفسيره نفيا وإثباتا. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce hadith dans son livre? Car dans ce hadith, on nous enseigne que le tawhid est le droit d'Allah sur ses serviteurs. C'est donc une chose obligatoire. Donc ici on a pris le jugement du tawhid, l'obligation, son importance, et aussi l'explication du tawhid, de par sa partie négative et sa partie affirmative. Et finalement, dans ce hadith, il y a les mérites du tawhid, ce qui viendra dans le chapitre suivant, Inch'Allah Ta'ala. Unabbihu ala shay, fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, haqqullahi ala al-ibad. Donc une remarque concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le droit des serviteurs sur Allah. هذا الحق بإحقاق الله على نفسه لا باستحقاق العباد شيئا على الله. Donc j'attire votre attention sur cela. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le droit des serviteurs sur Allah. Retenez bien que ce droit, c'est Allah Azza wa Jal qui se l'est prescrit à lui-même. Et les serviteurs n'ont aucun droit obligatoire qu'ils peuvent imposer à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui s'est prescrit ce droit à lui-même ou sur lui-même. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans son poème: Ma lil ibadi 'alayhi haqqun wajibun wa awjaba al-ajr al-'azim ash-shan. Wal adilla 'ala dhalik 'adida. Fi al-Qur'an najid anna Allah subhanahu wa ta'ala kataba 'ala nafsihi ithabata al-muti'in wa maghfirata dhunubihim. On trouve dans le Coran une preuve de cela. C'est Allah Azza wa Jal qui s'est prescrit cela à lui-même. Par exemple, dans les versets où Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'il s'est prescrit à lui-même le fait de rétribuer ceux qui feront le bien et de pardonner leurs péchés. قال الله كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. Dans sourate Al-An'am, Allah nous dit: votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde, et quiconque d'entre vous fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. وهذا خلافا للمعتزلة والقدرية ضلوا في هذا الباب. Et cela contrairement à la secte de Al-Mu'tazila et de Al-Qadariya, des Mu'tazilites et des Qadarites, ces gens-là se sont égarés à la base et particulièrement dans ce chapitre. قالوا إثابة المطيعين واجبة يستحقها العباد. Ces gens-là ont dit que de rétribuer ceux qui auront obéi à Allah, est un droit que possèdent les serviteurs sur Allah et c'est un droit qu'ils méritent eux sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ala jihati al-muqabala al-mu'awada. C'est-à-dire que celui qui fait du bien, Allah est obligé de lui donner. C'est comme un échange, comme si nos actions pouvaient acheter la grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala shakka anna hadha dhalalun mubin. Et sans aucun doute, cela est un égarement évident. Mais c'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est prescrit cela à lui-même. N'ont-ils pas lu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit « La ou lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amali » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Aucun d'entre vous n'entrera au paradis grâce à ses bonnes actions. » Alors les gens ont dit « Wala anta ya Rasulallah » Même pas toi, ô messager d'Allah. Pourquoi même pas toi? Car tu es le plus pieux, celui qui a le plus de bonnes actions. Faqala wala ana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ni même moi. Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Donc tu ne peux pas acheter le paradis, ni le pardon de tes péchés, pour tes péchés, par tes bonnes actions. Les bienfaits qu'Allah azza wa jal te donne, fi dunya, tu ne pourrais les rembourser. Que dire alors de sa récompense? Wallahu musta'an. Ma yustafadu min al-hadith tawadhu' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam haythu rakiba himaran wa ardafa alayhi khilafan lima alayhi ahlul kibr. Que pouvons-nous tirer de ce hadith? De ce hadith, on tire la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il monte sur un âne. Du fait qu'il monte sur un âne. Et ajouter à cela qu'il met quelqu'un derrière lui. Contrairement aux orgueilleux qui ne montent pas sur ce genre d'animal et encore moins avec quelqu'un derrière eux. Fi hadha al-hadith tariqatun fi at-ta'lim. As-su'al wal-jawab. De ce hadith, on tire une façon d'enseigner et de transmettre la science, qui est les questions-réponses. Tu poses des questions, même si les gens ignorent la réponse. Et ensuite, ils essayent de trouver la réponse, puis tu leur transmets la réponse, s'ils ne la trouvent pas. Ceci est une façon de transmettre la science, une façon que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent. وفي هذا الحديث أن من سئل عن شيء يجهله ينبغي له أن يقول الله أعلم. De ce hadith, on tire que celui qui est questionné sur une chose qu'il ignore, il ne doit pas répondre, mais il convient plutôt à ce qu'il dise, il lui convient plutôt de dire La adri, je ne sais pas où, Allahu a'lam. Allah est plus savant. Allah est plus savant. Mu'adh a dit Allahu wa Rasulu a'lam. Cette parole était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après sa mort, le mieux est de dire Allahu a'lam. Allahu a'lam. Même si certains savants considèrent que si c'est dans une chose religieuse, on peut dire Allahu wa Rasulu a'lam même après sa mort. عليكم السلام. في هذا الحديث بيان حق الله. Dans ce hadith, il y a le droit d'Allah. Dans ce hadith, il y a فضل التوحيد, le mérite du tawhid, qui est qu'Allah Azza wa Jal ne châtiera pas celui qui s'est préservé du shirk, et bien sûr qu'il l'a unifié d'un culte sincère. De ce hadith, on tire tafsir التوحيد, l'explication du tawhid, et que tawhid se compose de deux mazas, d'une partie négative et d'une partie affirmative. La négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah, et l'affirmation que le seul a mérité l'adoration est Allah subhanahu. وأن العبادة الشرعية لا تكون مقبولة إلا بالتوحيد لا تكون إلا بالتوحيد ولا تقبل إلا بالتوحيد. De cela on tire que l'adoration qu'Allah nous demande ne peut être qu'avec le tawhid et ne sera acceptée qu'avec le tawhid. Donc il faut délaisser le shirk. Ensuite une grande faïda très subtile, au point où Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit de cette faïda, wa hadhihi min ahsani al-fawaid. Ibn Uthaymin nous dit, et cela fait partie des meilleures informations du hadith. Quelle est cette faïda? Istihbabu bisharati al-muslim bima yasurru. Subhanallah. De ce hadith on tire le caractère recommandé. Donc on nous encourage à annoncer aux musulmans la bonne nouvelle par laquelle on rentrera la joie dans son cœur. D'où est-ce qu'on a tiré ça dans le hadith? Hein? Barakallahu fik. Lorsque Mu'adh, immédiatement après avoir entendu cette bonne nouvelle, a voulu en faire profiter les musulmans et rentrer la joie dans leur cœur. Donc de cela, on va tirer aussi une autre chose, c'est quoi? Qu'il ne faut pas attrister le musulman. Il ne faut pas attrister le musulman, mais plutôt chercher à réjouir les musulmans. Subhanallah. Hadi fa'ida jamila jiddan. Et à la fin du long hadith de Ka'b ibn Malik, les trois qui n'avaient pas participé à la bataille de Tabouk, vous connaissez tous ce hadith, dans Riyad Salihin, le long hadith. Lorsque le repentir de Ka'b est venu dans le Coran, dans Surat al-Tawbah, que s'est-il passé? Deux personnes se sont concurrencées pour aller annoncer la bonne nouvelle à Ka'b. Un a pris une monture et s'est empressé de galoper vers la maison de Ka'b. Et le deuxième a fait quoi? Le deuxième est monté sur un endroit élevé et a crié « Abshir ». Ya Ka'b, réjouis-toi au Ka'b du repentir d'Allah pour ton Mada, pour ce qui s'est passé. Et la voix a devancé Mada, la personne qui était partie sur sa monture. Bon, ça c'est une faïda azima, ça te montre les sahaba, comment est-ce qu'ils étaient. Ils annonçaient les bonnes nouvelles et plus encore se concurrençaient dans cela. Donc si c'est une bonne chose d'annoncer la bonne nouvelle, tu ne dois pas attrister tes frères par une parole, par une action ou autre. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque vous êtes au nombre de trois, ne vous mettez pas à l'écart à deux pour discuter. Puis il dit à la fin du hadith, qu'est-ce qu'il dit? Car cela l'attriste. Si on est trois, il ne nous faut pas, ou bien tu ne dois pas partir avec un des frères sur le côté pour discuter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite la sagesse de ne pas faire ça. Il nous dit, car ça attristera le troisième. Regardez cette religion parfaite, subhanallah. Tu fais attention même à ce que tu peux faire à ton frère. Ne dis pas, j'ai pas voulu faire ça, ou c'était pas mania. Non, prends l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, éloigne-toi des causes qui peuvent attrister ton frère. Ibn Uthaymin cite aussi d'autres exemples. Il dit, lorsque les anges sont venus voir Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont annoncé la bonne nouvelle de Ishaq, et après Ishaq, Ya'qub. Après Ishaq, Ya'qub. Yani, tu vas rester en vie. Et ton épouse, qui était auparavant stérile, va enfanter d'un enfant, Ishaq. Et tu vas rester en vie tellement longtemps que tu vas avoir l'enfant d'Ishaq, Yaakoub. Ça, c'est une bichara azima jiddan pour quelqu'un qui a atteint l'âge avancé. Et une femme qui n'a pas réussi à avoir d'enfant. Donc ça, c'est un grand comportement. في هذا الحديث جواز كتمان العلم. De ce hadith, on tire la permission de cacher une partie de la science pour une partie de la communauté. لمصلحتين. S'il y a un bien dans cela. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh de ne pas transmettre cette information. Afin que les gens continuent dans la recherche des plus hauts degrés du paradis et les bonnes actions. Et aussi car certaines personnes pourraient mal comprendre certaines sciences. Donc ce serait une fitna pour eux. Dans ce cas-là, ma'at tafsil, il convient de ne pas transmettre cette science. Et l'imam al-Bukhari a mis un chapitre comme ça dans son sahih. Il y a le chapitre de celui qui transmet l'information à certains et pas à d'autres. En d'autres termes, qui cache une partie de la science à une partie des gens. Fi hadha al-hadith, at-ta'addub ma'a al-mu'allim. De ce hadith, tu tires le bon comportement à avoir envers l'enseignant. Fi hadha al-hadith, al-khawf 'ala ittikal an-nas 'ala si'ati rahmatillah. Le fait d'avoir peur de s'en remettre qu'à la miséricorde d'Allah. Non, il te faut agir. Tu ne dois pas t'en remettre seulement à la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa akhir ma nadhkurha huna fadilata Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Et le dernier point qu'on citera ici, c'est le mérite de Mu'adh ibn Jabal. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui transmet une science particulière et à lui tout particulièrement. خلاصة هذا الباب. Donc nous avons fini ce chapitre ou bien cette introduction. ذكر المؤلف خمس آيات آثارا وحديثا ليبين لنا ما هو التوحيد وما حكم التوحيد الوجوب وما هو التوحيد إفراد الله بالعبادة وأهمية التوحيد فأوجب الواجبات وآكد الحقوق. وأهميته لأننا لم نخلق إلا له ولم ترسل الرسل إلا له ففي إيراد المؤلف لهذه النصوص فقه عظيم. Et pour finir ce chapitre, on dit qu'à travers les textes que l'auteur a cités et l'ordre que l'auteur a cité, on voit la grande science et la parfaite méthodologie de l'auteur quant à son enseignement. Quant à son enseignement et la transmission de la science. والحمد لله الذي بيتتم الصالحات. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Le chapitre des mérites du tawhid et ceux qu'il expie comme péché. Le chapitre des mérites du tawhid et les péchés qu'il permet d'expier. Babun fadlu tawhid. Bab خبر لمبتدا محذوف تقديره هو. Donc voici le chapitre des mérites du tawhid et les péchés qu'il permet d'expier. فضل الطيب. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء. وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. Lorsque vous voyez dans les livres le chapitre de telle chose, le chapitre de telle chose, un chapitre, c'est un ensemble de sciences dans lequel il y a la plupart du temps différentes choses, différents points qui sont enseignés. باب فضل التوحيد المقصود بالتوحيد هنا التوحيد بأنواعه الثلاثة التوحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية أو نقول ال هنا للعهد أي توحيد الألوهية المتضمن لنوعين الآخرين من أنواع التوحيد أي الربوبية والأسماء والصفات. Donc ce qui est voulu par le tawhid ici, les mérites du tawhid, c'est l'ensemble du tawhid. L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie, dans l'adoration, dans ses noms et ses attributs. Ou bien on dit que ce qui est voulu, c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration, et l'unicité d'Allah dans l'adoration comprend les deux autres formes de tawhid. Donc quoi qu'il en soit, ça revient au même. وَمَا مَا هُنَا مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ وَتَكْفِيرُهُ الذُّنُوبِ يعني ليس المعنى أن التوحيد يكفر بعض الذنوب فقط لا donc le sens du titre de ce chapitre n'est pas que le tawhid expie une partie des péchés seulement non il ne faut pas comprendre ça Mais c'est le chapitre des mérites du tawhid et que ce tawhid duquel nous parlons a comme mérite le fait qu'il expie les péchés. Tous les péchés. Et cela selon la perfection du tawhid du serviteur. Ja fi nusratin i'tamadaha sahib Fath al-Majid باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب مناسبة الباب لكتاب التوحيد Pourquoi est-ce que l'auteur a mis ce chapitre dans كتاب التوحيد بعد أن ذكر الشيخ بيان التوحيد وفضائله ومنقصاته في هذا الباب ذكر فضل التوحيد في هذا الباب ذكر فضل التوحيد ليرغب الناس في طلبه وفي تحقيقه طيب نرجع فنقول أو أقول مناسبة الباب لكتاب التوحيد ذكر الشيخ ذكر الشيخ في هذا الكتاب بيان التوحيد وفضائله وما ينقص التوحيد وما يعدم التوحيد أو يعدم التوحيد وهذا الباب في فضل التوحيد Donc pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid Car dans ce livre, l'auteur nous a transmis ce qu'est le tawhid, les mérites du tawhid, ce par quoi on peut compléter notre tawhid, la récompense des monothéistes et ce qui annule le tawhid et ce qui diminue le tawhid. Ben ce chapitre est sur les mérites du tawhid. ومناسبة هذا الباب لما قبله en ce qui concerne la sagesse d'avoir mis le chapitre des mérites du tawhid et les péchés qu'il expie juste après ce que nous avons déjà vu cela car al-hukm ala shay far'un an tasawwur wa anna man alima an at-tawhid huwa sabab ijadihi wa sabab irsal ar-rusul wa annahu haqqullah al-a'zam tatalla'a ila al-mazid فرغب الشيخ بهذا الباب الناس في طلب التوحيد في معرفة التوحيد في إرادة التحقيق التوحيد. Donc l'auteur après nous avoir enseigné que le tawhid était le droit d'Allah sur ses serviteurs et ce pourquoi nous avons été créés, ce pourquoi on a envoyé l'ensemble des messagers et prophètes. Ici le serviteur penche vers le tawhid, il veut encore plus de tawhid. Ben, l'auteur nous cite le chapitre des bienfaits du tawhid pour qu'on cherche encore plus le tawhid et pour qu'on veuille encore plus parfaire notre tawhid. Donc c'est très sage de sa part d'avoir mis ce chapitre après Ma'adha, la connaissance du tawhid et son caractère obligatoire. La récompense du tawhid et le mérite du tawhid est tellement important qu'aucun péché ne peut rester sur le passage du tawhid sans être expié, effacé. Wa ma'ana takfiruhu adh-dhunub. Et lorsqu'on dit que le tawhid expie les péchés, c'est-à-dire qu'il ne restera rien des effets de ce péché. Ça l'efface totalement, complètement. Comme s'il n'y avait pas eu de péché auparavant. وَهَذَا مِنْ بَرَكَةِ التَّوْحِيدِ إِذَا نَشَّيْخ قَسَّمَ كِتَابَهُ عَلَى أَبْوَابِ. Donc on comprend que l'auteur a divisé son livre en plusieurs chapitres. 66 chapitres ou 67 chapitres. Et c'est mieux que d'avoir fait cela que d'avoir cité tout à la suite. Car lorsque tu divises les choses en chapitres, tu les comprends mieux. Tu as plus de facilité à donc les comprendre aussi, les mémoriser. Et lorsque tu finis un chapitre, tu as envie de savoir la suite. Tu es motivé pour savoir la suite jusqu'à finir le livre. Amma at-tawhid, cela ne se finit pas. Et on dit al-bab, le chapitre, on appelle cela aussi at-tarjama. Dans les livres de certains savants, vous pouvez trouver « At-Tarjama » pour dire le chapitre. On a appelé cela « At-Tarjama ». En français, littéralement, c'est la traduction. Car cet intitulé, le titre, ce qui yani, traduit ou nous fait comprendre ce qui va être cité par la suite. C'est comme le jugement et le résumé de ce qui va être cité par la suite. Et ce qui est cité par la suite seront les preuves de ce titre. Et l'explication ainsi que les détails de ce titre. Et cela nous rappelle ce qu'a fait l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dans Sahih al-Bukhari. Il a mis son fiqh dans l'intitulé, dans le titre des chapitres. Et on entamera le premier verset, incha'Allah ta'ala, demain, après salat, al-Maghrib. Wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.